il devient le gendre de Pison et le beau-père de Pompée. Vers le même temps, il épousa Calpurnie, fille de L. Pison, qui allait lui succéder au consulat, et il donna en mariage à Gnaeus Pompée sa fille Julie, en congédiant son premier fiancé, Servilius Scépion, l'un de ceux qui peu de temps auparavant l'avait aidé à se défaire de Bibulus. Après cette nouvelle alliance, il commença dans le Sénat par prendre d'abord l'avis de Pompée, alors qu'il avait coutume d'interroger Crassus le premier, et qu'il était d'usage que le consul conservât toute l'année l'ordre établi par lui au calende de janvier pour recueillir les votes.